الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دونك On commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre Fadlul Islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications du Sharh du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et maintenant on va lire le hadith. On est toujours dans le deuxième chapitre. Et on va lire le hadith. Il dit le Cheikh وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليرهق دمه رواه البخاري donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ensuite le cheikh dit وقال ابن تيمية قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أو في شخص أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون Donc le Cheikh il explique ce hadith ou il mentionne ce hadith qui est tiré de Sahih al-Bukhari qui rapportait selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les trois personnes les plus détestées pour Allah sont de trois les personnes les plus détestées pour Allah sont de trois catégories la première catégorie mulshidun fil haram celui qui veut faire du mal ou qui fait un péché ou des choses comme ça dans al haram c'est-à-dire dans le sanctuaire de la Mecque, hein, ou bien à Médine aussi, il y a un sanctuaire, aussi un haram, on va expliquer ça tout à l'heure. « Mubtaghin fil islam et sunnat al-jahiliya » Celui qui recherche la voie ou la sunnat de la jahiliya alors qu'il est dans l'islam. Et « Mubtalibun dam imri'in » c'est-à-dire celui qui essaie de réclamer le sang d'un individu, que ce soit pour un droit réel, c'est-à-dire de manière injuste, juste pour faire couler son sang. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'explique quand il dit ici Sunnat al-Jahiliya, il dit, quand on dit Sunnat al-Jahiliya, ça implique toute forme de, tout ce qui est rapport avec la Jahiliya. Que ce soit une chose qui est, disons, générale ou restreinte. Général ou restreint. Dans le sens que si c'est restreint, c'est dans le sens que c'est par rapport à un individu spécifique, soit un chrétien ou un juif ou un idolâtre, un mouchrik, ou bien n'importe quelle autre personne qui a contredit la voie qui a été ramenée par les messagers. Tout ça, ça va être clarifié dans les paroles du Cheikh Al-Fawzan. Donc le Cheikh l'explique. قوله أبغض الناس فيه إثبات البغض لله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا يبغض أهل الشر وأهل الكفر ويحب أهل الخير وأهل الإيمان. Donc le Cheikh dit premièrement dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les personnes les plus détestées pour Allah sont de trois. Et il dit que dans ça, il y a la preuve qu'on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la colère. Et que Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère et qu'il déteste hein, certaines personnes. Et le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste les gens qui font le mal, et les gens qui font la mécréance, et qui rejettent la foi, et il aime les gens du bien, et les gens qui ont la foi. Donc, il y a des gens que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et il y a des gens que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Contrairement à ceux qui s'imaginent que tout le monde est pareil. Hein. En particulier les chrétiens, et en particulier certains ignorants ou certains égarés parmi les musulmans qui refusent d'admettre ou d'affirmer cet attribut-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier point. Ensuite il dit, parmi ces trois catégories-là, le premier, mulhidun fil haram. الإلحاد هو الميل والمراد به الميل عن طاعة الله إلى معصيته والإلحاد محرم في كل وقت وفي كل مكان ولكن الإلحاد في الحرم أشد فهو حرم الله عز وجل الذي أمر الله أن يحترم وأن يؤمن الناس فيه ولا يعتدى على أحد حتى الطيور والصيد لا تنفر حتى الخلاء الذي هو العشب لا يقطع وكذلك الشجر لا يقطع في الحرم فكيف بدماء الآدميين والاعتداء عليهم. Donc le cheikh explique, il dit que la première catégorie de personnes que Allah déteste, c'est quelqu'un qui est un mulshid, quelqu'un qui est mulshid dans le haram. Premièrement, le mulshid, ça vient du mot ilhad. Et ilhad, ça signifie de pencher. Hein, c'est-à-dire de pencher vers qu'est-ce qui est faux, de pencher vers qu'est-ce qui est faux et de s'éloigner de la vérité. Ou bien de pencher vers le shirk et de s'éloigner vers, hein, de s'éloigner du tawhid. Donc, Al-ilhad, ça veut dire de se détourner, de pencher, de s'éloigner. Hein? Et donc, ici, dans ce contexte, ici, c'est de s'éloigner de l'obéissance d'Allah vers le péché. Donc, si tu penches vers le péché et tu t'éloignes de l'obéissance d'Allah. C'est ça, al-ilhad. Donc, de faire des péchés en temps général et en tout lieu, c'est quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est haram. Sauf que de faire ça dans le haram c'est quoi? C'est le sanctuaire, l'endroit que Allah subhanahu wa ta'ala a délimité comme étant un territoire sacré à la Mecque. Et dans cet endroit-là, de faire des péchés, c'est plus grave que de le faire ailleurs. Hein? Les conséquences et les punitions seront plus graves dans cet endroit-là, si quelqu'un fait des péchés-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est le sanctuaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sacré. Hein? Pourquoi on les appelle les mosquées sacrées? Parce que c'est, il y a un sanctuaire autour. Et dans ce sanctuaire-là, il y a certaines règles à respecter qui ne s'appliquent pas ailleurs. Hein? Donc, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de respecter ce sanctuaire-là, et les gens doivent être en sécurité dans ces endroits-là, et on n'a pas le droit de les agresser ou de transgresser contre quiconque, hein, contre aucune personne. Même les oiseaux, on n'a pas le droit de les chasser ou de les faire fuir par la chasse. Il y a des exceptions qui sont mentionnées, bien sûr, mais c'est rare que les gens chassent le corbeau. En général, les animaux qu'on chasse, c'est les oiseaux qu'on mange. Hein? Donc, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut mentionner ici. Et on n'a pas le droit donc de chasser les animaux qu'on veut chasser pour manger. Donc, il donne des exemples. Même, on n'a pas le droit de couper les arbres. Hein? Et certaines herbes, des choses comme ça, on n'a pas le droit de couper. Alors, que vers du sang des êtres humains, c'est encore plus grave de le faire couler dans le haram qu'ailleurs. Donc on n'a pas le droit de tuer, même de tuer aucun animal, aucun arbre, et encore plus des êtres humains. Et il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que toute personne qui fait un crime ou un péché dans le haram, il va avoir une punition plus grande. Et on va mentionner des versets là-dessus. Donc le cheikh il dit, donc, وأشد من ذلك الشرك في الحرم ودعاء غير الله عز وجل والبدع والمحدثات في الحرم. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الإرادة لو نوى في قلبه أنه يريد أن ينفذ شيئا في الحرم فإن الله يذيقه العذاب الأليم حتى ولو ما نفذ. فكيف إذا نفذ؟ فالأمر أشد والعياذ بالله لأن الحرم أمره عظيم. Donc le cheikh il explique quelque chose ici, c'est très important. Il dit que plus grave encore que qu'est-ce qu'on vient de mentionner, parmi les règles qui ont rapport avec le haram, il y a le fait de faire le shirk dans le haram. Ça, le shirk dans le haram, c'est plus grave encore que de tuer ou de couper les arbres ou de chasser les animaux. Ou bien d'invoquer les morts, d'invoquer autre que Allah dans le haram. Ça c'est le shirk. Donc ça c'est plus grave encore. Ou de faire des innovations et des bid'ah, ou des innovations. Tout ça c'est, si tu fais ça dans le haram, c'est encore plus grave et plus dangereux. Et il mentionne le verset 25, dans surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque veut faire une forme d'ilhad, une injustice dans le haram, alors on va lui faire goûter un châtiment douloureux. Et le cheikh explique, il dit, c'est pas que la personne elle a fait le péché, juste de vouloir le faire, c'est-à-dire d'avoir l'intention de faire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ. Donc ça veut dire, celui qui a l'intention dans son cœur de faire un péché dans le haram, même s'il ne l'a pas exécuté, Allah va lui faire goûter un châtiment douloureux. Alors que dire dans ce cas-là de celui qui l'a exécuté ce péché-là, alors s'il l'a mis en exécution, c'est encore plus grave. Donc c'est encore plus dangereux, car le haram c'est quelque chose de très sérieux. Et donc ça c'est pour dire que si quelqu'un est à Médine ou à la Mecque, et qu'il veut faire un péché, juste le fait de penser à vouloir faire ce péché-là, de faire cette injustice-là, ou cette forme d'ilhad, ça y est, il sera déjà puni pour ça. Et s'il l'exécute, ça c'est encore plus grave. Donc le cheikh il dit, « والمراد بالحرم ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من جميع الجوانب وهو الذي لا ينفر صيده ولا يقتلى خلاؤه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد ولا يعتدى فيه على أحد لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله لأن من دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par le haram? On veut dire cet endroit qui entoure la Mecque de tous les côtés, qui entoure la Mecque de tous les côtés, c'est ça le haram. Et c'est dans cet endroit-là qu'on n'a pas le droit de chasser les animaux, on n'a pas le droit de aller couper les arbres, et ainsi de suite. Si quelqu'un a perdu quelque chose, cet objet perdu-là, il reste toujours, c'est-à-dire on n'a pas le droit de le prendre, jusqu'à quelqu'un vient le chercher. C'est pas comme les objets perdus de d'autres endroits à l'extérieur du haram. Par exemple, si quelqu'un perd quelque chose dans la rue et que quelqu'un le trouve, doit l'annoncer, annoncer la chose qu'il a trouvée pendant un an. Dire, j'ai trouvé telle, telle chose, à tel endroit, voici la description, et ainsi de suite. Puis, pour que les personnes puissent savoir si quelqu'un a perdu quelque chose, puis après il la réclame. Puis après un an, il peut faire tout ce qu'il veut avec. Mais à Mecca, c'est différent. Les règles de ce qu'on appelle al-luqata, c'est différent. Et ici aussi, voilà, yu'tada ala ahad. On n'a pas le droit de transgresser contre quiconque, ni dans sa personne, ni dans son sang, ni dans ses biens, parce que celui qui rentre, il rentre en sécurité à la Mecque. Et il mentionne le verset 67 dans Surat al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'ont-ils pas vu qu'on a fait pour eux un sanctuaire dans lequel il y a la paix, la tranquillité, la sécurité, alors qu'autour de ce sanctuaire-là, les gens sont en train de se tuer les uns les autres, hein, et ils s'enlèvent les uns les autres. Donc, c'est pour dire que même si autour il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a des guerres, il y a des tueries, il y a des problèmes, une fois que tu rentres à l'intérieur de la Mecque, hein, dans le haram, c'est tout est fini. Et il mentionne un autre verset aussi dans le verset, dans Surat al-Qasas, le verset 57, qui mentionne des choses à ce sujet-là encore une fois. Donc il dit, وَكَانَ النَّاسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُمْ أَهْلُ شَرٍ وَأَهْلُ قِتَالٍ وَأَهْلُ غَارَاتٍ وَنَهْبٍ وَسَلْبٍ كَانُوا إِذَا دَخَلُوا الْحَرَمْ أَمِنُوا حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ كان يلقى قاتل أبيه فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم وهذا وهم أهل جاهلية فكيف بأهل الإسلام فمن اعتدى في الحرم فإن الله جل وعلا توعده بالعذاب الأليم. Donc il dit, à l'époque de la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, les gens étaient des gens de mal, les gens aimaient le mal et ils faisaient du mal et ils aimaient transgresser, puis faire du tort aux autres et se venger quand il y avait des problèmes, ils tuaient, ils faisaient toutes sortes de choses. Donc, mais malgré ça, lorsqu'ils rentraient dans le haram, hein, ils ne pouvaient plus faire quoi que ce soit de ce genre de choses-là. Donc, ils étaient en sécurité à cet endroit-là. Et il dit que même si quelqu'un voyait l'homme qui avait tué son père, alors qu'il était dans le haram, il n'allait rien lui faire. Il n'allait rien lui faire jusqu'à ce qu'il sorte à l'extérieur du haram. Donc ça, c'était les gens de la jahiliya. Ils avaient ce respect-là pour le haram et il y avait ce comportement-là dans le haram. Alors que c'était des gens de la jahiliya. Alors que dire des gens de l'islam, hein? Donc celui qui fait de la transgression dans le haram, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a menacé. Il lui a promis un châtiment douloureux. D'accord? C'est très grave. Il faut avoir le respect pour le haram quand on va là-bas. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes qui sont mentionnées dans le hadith, c'est wa mubtarin fil islam sunnat al jahiliya. Wa hadha huwa mahall al shahid. Falladhi ya'ti bi 'adat al jahiliya wa yaj'alaha min al islam, hadha yubghidhu Allah ashadd al bughd. Le cheikh il dit, مبتغن في الإسلام سنة الجاهلية. C'est-à-dire, il veut faire rentrer dans l'islam des actes ou des manières ou des comportements de la jahiliya. Hein? Et donc, ça, c'est ce que le cheikh a voulu mentionner. C'est la raison pour laquelle le cheikh a mentionné ce hadith. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ce hadith-là dans ce chapitre-là à cause de cette partie, à cause de ça. مبتغن في الإسلام سنة الجاهلية. Il veut faire rentrer dans l'islam des traditions, des coutumes de la jahiliya et il veut les faire devenir islamiques. Il veut les rendre islamiques. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala le déteste, hein, de la plus grande forme de haine. Hein. Et il mentionne, il dit, والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام وهو زمن الفترة من الرسل. وسمي بالجاهلية لأنه ليس فيه كتاب ولا رسول. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par le terme jahiliya? On désigne par le terme jahiliya tout ce qui est avant l'islam. Tout ce qui était avant l'islam, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle la période de la fatra, c'est-à-dire la période où il n'y avait pas de messager, hein, et la période dans laquelle il n'y avait pas de livre ni de messager qui était là. Donc on appelle ça la jahiliya parce que c'est la période d'ignorance. Jahiliya, ça vient de jahl, qui veut dire l'ignorance. Donc le cheikh il dit, ensuite la fin du hadith, la troisième personne, la troisième catégorie de personnes qui est détestée par Allah, c'est muttalibun dam imri'in muslimin bi ghayri haqqin li yurhiqa damah. هذه هي الجريمة الثالثة التي يبغض الله أصحابها وهي جريمة الاعتداء على الأبرياء الذين يعتدون على الأبرياء ليقتلوهم سواء كان هؤلاء الأبرياء مسلمين أو معاهدين من الذين عصم الله دماءهم فمن أراد أن يقتل معصوم الدم الذي أمنه الإسلام وأعطاه الأمان واعتدى عليه فإن الله يبغضه أشد البغض وعقوبته عند الله أشد لأن الله حرم قتل الأنفس بغير حق قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فالدم المعصوم لا يجوز الاعتداء عليه وهذا من أكبر الجرائم وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Le cheikh il dit, ou celui qui recherche à faire couler le sang d'un individu musulman de manière injuste, juste pour faire couler son sang. Et il dit que ça c'est le troisième crime et la troisième catégorie de personnes que Allah déteste. Et c'est le fait de transgresser contre des innocents. Hein? Et de faire des transgressions contre des innocents pour les tuer. Peu importe que ces innocents-là soient musulmans ou qu'ils soient des koufars qui ont une entente de paix avec les musulmans. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah a protégé le sang. Hein? Donc, ça concerne les musulmans et ça concerne les koufars qu'on appelle al-mu'ahadoun, hein, parce que les koufars sont divisés en catégories, hein, al-mu'haribun wa al-mu'ahadoun. Al-mu'haribun, c'est les koufars qui vivent dans les pays qui ont déclaré officiellement une guerre aux musulmans, ou bien que des pays où des musulmans ont déclaré la guerre à ces pays-là. Ceux-là, ils sont en guerre officielle, ces deux pays-là, ils sont en guerre. Donc, ceux-là, on les appelle, les koufars qui sont dans ces pays-là, on les appelle des muharibou, al-muharibou, ceux qui sont en guerre. Puis il y a une autre catégorie de koufars qu'on appelle al-mu'ahadoun, c'est-à-dire des koufars qui ont un pacte avec les musulmans, une entente, un pacte, ou bien un traité de paix avec les musulmans. En ce moment, Allahu alam, d'après ce que je sais, dans tous les pays musulmans maintenant, il y a des ententes de paix avec les pays koufars. Excepté peut-être pour certaines exceptions dans certaines régions, mais encore là, peut-être par rapport à la Palestine maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des ententes de paix entre les juifs et les musulmans, même en Palestine. Ils font toujours des rencontres pour faire des ententes, pour faire des cessez-le-feu, pour faire quand il y a des conflits armés, pour faire arrêter les tirs puis les conflits. Et donc, des fois il y a certains pays qui sont en conflit, comme par exemple, on va dire, il y a un pays qui est musulman ici, puis un pays qui est non musulman, et ces deux-là, on va dire qu'entre les deux, il y a une guerre. On va dire. Donc ces deux pays-là sont en guerre, tandis qu'il y a d'autres pays en dehors de ce pays-là, enfin, d'autres pays musulmans en dehors de ce pays-là, eux, ils ne sont pas en guerre avec ce pays-là. Ils sont en paix avec. Donc, la guerre qui existe entre ces deux pays-là s'applique uniquement à ces deux pays et non pas aux autres pays musulmans qui sont en paix avec ce pays-là. Donc, ça, c'est de manière générale. Al-Mu'ahadun, ça vient de l'Ahd. Ok? Et donc, le chef, il dit que on n'a pas le droit de tuer les innocents parmi les musulmans et parmi les Mu'ahadun. Donc, comme par exemple, le Canada, c'est un pays, il est en paix avec les pays musulmans. Les États-Unis, c'est un pays qui est en paix avec les pays musulmans. La France, l'Italie, l'Allemagne, la plupart des pays musulmans sont en paix avec ces pays-là. Hein? Donc, c'est pas des pays où les koufars qui sont là-bas sont considérés comme étant des muharibun. L'Angleterre, la même chose. Des pays qui sont en paix avec les pays musulmans. Il y a pas, quand on dit en paix, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que X ou Y, un tel là, qui habite sur la rue Saint-Michel, il a déclaré la guerre. Nous, on s'en fout que lui, il déclare la guerre. Lui, il compte pas pour nous. Qu'est-ce qui compte? C'est le dirigeant du pays musulman. Est-ce que lui, il a déclaré la guerre, oui ou non? Et est-ce qu'il a envoyé son armée et ses soldats pour combattre ce pays-là, oui ou non? Si ce n'est pas le cas, alors on dit, dans ce cas-là, c'est pas un pays, c'est pas, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est qui est-ce qui le déclare? C'est les chefs des États. C'est les responsables, les dirigeants des pays musulmans. Ce n'est pas les individus qui composent la population ou des partis politiques ou des partis islamistes dans ces pays-là. Ils n'ont aucune autorité, ces groupes-là. Et s'ils le font, ils sont considérés comme étant des groupes qui ont transgressé contre le dirigeant. Ils font partie des Khawarij. Non, mais en fait, ça dépend. S'ils ont des, ça, c'est, on rentre dans d'autres sujets. Les savants de l'islam, ils ont donné des fatwas sur ces sujets-là. Il y a des versets dans le Coran qui sont clairs, qui expliquent comment agir dans des situations comme ça. Dans Surat Al-Anfal, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala clarifie que si vos frères ils vous appellent à l'aide au nom de la religion pour que vous leur veniez en aide, alors vous devez leur venir en aide. Sauf si c'est contre une nation ou un peuple entre lesquels vous entre si c'est contre une nation, qu'il y a un pacte entre vous et eux. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas leur venir en aide s'il y a un pacte, une entente entre vous deux. Donc, ça c'est pour clarifier et pour expliquer que s'il y a des échanges commerciaux, économiques, hein, des échanges diplomatiques entre ces pays-là, donc on ne peut pas par la suite dire, bon, ces gens-là, ils ont aidé ce pays contre les musulmans ou des choses comme ça, parce que c'est pas considéré comme une aide. C'est pas comme s'ils supportent ces gens-là contre les musulmans. Ils font des échanges et des échanges économiques, et c'est des ententes qui sont là depuis des années, et puis ils font du commerce. Comme il y a certains à Montréal, comme il y a un jeune là à Montréal, un jeune Algérien, il a fait une khutba justement quand il y avait les conflits à Gaza, il a déclaré tous les pays arabes mécréants à cause de la guerre qu'il y a eu à Gaza. Hein? Il a déclaré l'Égypte en particulier mécréant comme étant un pays de kufre, parce que soi-disant, il faisait du commerce avec Israël ou des choses comme ça. Donc ça, c'est l'ignorance de ces jeunes qui suivent la voie des Khawarij et qui comprennent même pas la parole des ulama, et qui essaient de se baser sur certaines paroles qu'ils ont mal comprises pour déclarer les dirigeants koufars, hein, à cause de leur ignorance. Et si ce qu'ils disent était vrai, les grands savants de la Oumma les auraient précédés. Hein. Donc si les grands savants ne disent pas ça, alors pourquoi eux se permettent d'avancer dans ce genre de sujets-là, qui sont des sujets très très très compliqués, qui concernent uniquement les grands savants parmi les savants de la Oumma. Hein. Et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est répéter ce qu'eux ont dit sur ces questions-là. On n'a pas le droit de s'aventurer ou de faire de l'opiniâtrerie, là, de dire, bon, moi j'ai mon opinion là-dessus. Ça, c'est... Exactement. Non, c'est même pas de ton domaine. C'est même pas de ton ressort, c'est même pas de ton niveau. Laisse ça pour ceux qui maîtrisent ces choses-là. Et non seulement qui maîtrisent, laisse ça pour ceux qui sont capables de faire quelque chose, qui sont capables de faire changer quelque chose dans cette situation-là. Mais que nous, on soit assis ici et puis qu'on en discute, ça va rien changer à l'affaire. Mais si les chefs d'État en discutent et les savants de l'islam en discutent avec les dirigeants, là ça peut avoir un impact, ça peut avoir un effet, ça peut faire changer quelque chose. Hein. Donc tout ça c'était juste pour expliquer que on n'a pas le droit de transgresser ou de tuer quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le sang. Donc le cheikh dit, celui qui veut tuer quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui, dont le sang est protégé par l'islam, par Allah subhanahu wa ta'ala, hein, l'islam lui a donné la sécurité, et que toi tu transgresses contre lui, alors tu fais partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, de la plus grande haine. Ok? Et ton, le châtiment de cet individu-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela sera la plus grande des, parmi les plus grands châtiments. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qu'on tue un homme injustement. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 93 dans Surat al-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et quiconque tue un croyant intentionnellement, alors sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Et il aura la colère d'Allah sur lui, ainsi que sa malédiction, et Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour lui un grand châtiment. Et il mentionne aussi le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque tue un mécréant, un kafir, qui est mu'ahad, c'est-à-dire qui a une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc, le sang qui est protégé, il n'est pas permis de transgresser contre ce sang et de faire couler ce sang. Et ça, ça fait partie des plus grands parmi les crimes. Donc, yani, celui qui va tuer un musulman, ça c'est parmi les plus grands crimes, et celui qui va tuer un kafir qui est protégé par une entente avec les musulmans, eh bien lui aussi, il a commis un grand crime. Et même des fois, c'est plus grave encore parce que quand il tue un kafir, il y a une entente avec les musulmans, qu'est-ce qui arrive comme conséquence? Ça montre qu'il a trahi l'entente des musulmans. Il a trahi l'entente des musulmans. Et lorsqu'il trahit l'entente des musulmans, il donne une mauvaise image de l'islam. Il donne une mauvaise image de l'islam. Oui, aussi parfois, comme le frère dit, des fois ça a des répercussions qui font que, étant donné que les musulmans sont faibles, ils sont pas en force, donc ils sont pas capables de se défendre lorsque les koufas décident de se venger pour répercussions, ou pas les répercussions, mais quand les koufas ont voulu se venger, par exemple, de quelque chose, donc il y a des musulmans, des fois ils disent, ah mais eux, les koufas, ils respectent pas leur pacte. Donc pourquoi nous, on devrait respecter notre pacte? Parce que nous, on est musulmans, et donc on doit respecter notre pacte pour Allah, et eux, les koufas, s'ils respectent pas leur pacte, c'est ça qui est la norme en général, puisque ce sont des koufars. Aujourd'hui, des fois, nous, on s'étonne du kafir lorsqu'il trahit sa parole. Ah, un kafir qui trahit sa parole. Ah, comment? Est-ce que c'est possible? Alors que c'est la norme, puisqu'ils ont trahi la parole d'Allah. Ils ont trahi Allah déjà. Ils ont déjà trahi leur créateur. Donc, comment ils vont pas trahir la créature? Hein? Mais nous, on s'étonne de ça. Et quand un musulman fait une trahison à un autre musulman, ou à un kafir, c'est normal. C'est comme si, ah, mais ça c'est normal. Comme si c'était pas étonnant du tout. On est habitué. Hein. Parce qu'on a perdu la réalité de la réelle signification et la réelle valeur de qu'est-ce que ça signifie de respecter sa parole et de respecter son entente et d'être honnête et fiable. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc le cheikh il donne un verset dans Surat al-Furqan, plusieurs versets en fait, le verset du verset 68 à 70. C'est deux versets. Dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des croyants, Il dit ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités et qui ne tuent pas une âme que Allah a interdite ou a rendue interdite, c'est interdit de la tuer, excepté pour un droit, et qui ne commettent pas le zina, qui ne commettent pas l'adultère ou la fornication. Et quiconque commet ce genre de péché-là, hein, alors il aura à en porter le poids. Et on va lui doubler le châtiment au jour de la résurrection, et il va y demeurer humilié. Excepté celui qui s'est repenti, qui a fait les bonnes œuvres, excepté celui qui s'est repenti, qui a cru, qui a accompli les bonnes œuvres, alors ceux-là, on va remplacer leurs mauvaises actions par des bonnes œuvres, par des hasanats. Et donc, Allah, ensuite il dit, et Allah est certes pardonneur, miséricordieux. Donc, ça c'est pour expliquer que ce sont des grands péchés. Le fait de tuer, ça a été mentionné parmi les grands péchés, après le shirk, hein, et après, donc, le shirk, la yad'ouna ma'allahi ilahan akhar, ils ne font pas de shirk, ils n'invoquent pas d'autres divinités en dehors d'Allah, ils ne tuent pas, et ils ne font pas le zina. Donc, ça c'est trois péchés, puis parmi ces péchés-là, il a mentionné le fait de tuer. Ensuite, le Cheikh explique la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit, وقوله, قال ابن تيمية, يعني شيخ الإسلام رحمه الله, فسر سنة الجاهلية, فبين أن هذا عام في الجاهلية العامة والجاهلية الفردية. لأن الجاهلية قد تكون في مجتمع وقبيلة, وقد تكون في فرد من الأفراد. فلما عير رجل من الصحابة رجلا آخر منهم بسواده وأنه ابن سوداء أو ابن مملوكة فقال له يا ابن السوداء, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية, مع أن هذا الرسول مع أن هذا الرجل الذي قال ذلك هو أبو ذر من أفاضل الصحابة, ولكن لما قال هذه الكلمة عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية, لأن المسلمين إخوة, لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. Donc, le Cheikh, il dit qu'il explique maintenant les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à propos de la Jahiliyyah. Donc, quand Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah parle de ce sujet-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il explique qu'est-ce que c'est Sunnat al-Jahiliyyah. Et il explique qu'il y a la Jahiliyyah qui est générale et il y a la Jahiliyyah qui existe dans certains individus. Parce que la jahiliya, elle peut être dans une société, elle peut être dans une tribu, il peut y avoir des manifestations de cette jahiliya. Bon, premièrement, il y a la jahiliya qui est absolue, c'est celle qui était avant l'islam. Elle est finie, cette jahiliya-là, avec la venue de l'islam, avec le Coran et la Sunna. Il n'y en a plus de jahiliya absolue, puisque la science est toujours présente maintenant, même si à certains endroits, elles peuvent être moins présentes qu'à d'autres, ou à certaines époques, elles peuvent être moins présentes qu'à d'autres, ou dans certains individus, elles peuvent être moins présentes que dans d'autres, mais il n'y a plus de jahiliya générale, hein, ou plutôt absolue. Mais il peut y avoir des manifestations de la jahiliya dans certaines sociétés, dans certaines tribus, et dans certains individus. Comme par exemple, un homme, parmi les sahaba, qui a insulté un autre homme, hein, ou qui l'a critiqué à cause de sa couleur parce qu'il était noir. Et il l'a appelé fils de noir, ou fils d'esclave. Alors, il lui a dit fils de noir, hein, comme si c'était pour le blâmer, ou pour essayer de l'insulter. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, est-ce que tu essaies de l'insulter par en mentionnant sa mère, il dit, t'es un individu hein, tu es un individu, en toi il y a encore de la jahiliya. Il dit, toi tu es un individu, en toi il y a encore de la jahiliya. C'est-à-dire, il y a encore des manifestations de la jahiliya et de l'ignorance pré-islamique en toi. Ça veut dire que quelqu'un peut être musulman, puis avoir en lui des caractéristiques de l'ignorance et de la jahiliya. Et donc, cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Le cheikh, il nous dit que c'était un parmi les meilleurs d'entre les sahaba, c'était Abu Zar, hein, radiyallahu anhu. Mais, lorsqu'il a dit cette parole-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a calculé ou a considéré que ça, ça fait partie des choses qui font partie de la jahiliya. Abu Zar, avec le zal. Pourquoi? Parce que les musulmans sont tous des frères, peu importe leur couleur. Hein? Et l'autre c'était Bilal, et l'autre c'était Bilal. Hein? Le cheikh il n'a pas mentionné que c'était Bilal, mais c'est Bilal. Donc, cette histoire donc, elle est rapportée dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ok? Et le cheikh il dit, ça, ça fait partie des histoires, des choses de la jahiliya. Pourquoi? Parce que les musulmans sont tous des frères. Il n'y a pas de privilège ou de mérite supérieur. Il n'y a rien de plus à être un arabe qu'un non-arabe. Ou il n'y a pas de supériorité à un non-arabe sur un arabe ou un arabe sur un non-arabe. Il n'y a pas de préférence pour une personne qui est blanche ou noir sur le blanc, ou blanc sur le noir, ou rouge sur le blanc, ou blanc sur le rouge, ainsi de suite. Excepté par at-taqwa. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la distinction entre les hommes, et qu'est-ce qui fait qu'un est meilleur que l'autre? C'est uniquement la taqwa. Le fait qu'il respecte ce que Allah lui ordonne, et il s'écarte de ce que Allah lui interdit. Ça, c'est le taqwa. Ok? Et donc, par rapport à ça, yani, tout le monde, comme on le sait, on l'a entendu, on le répète à chaque fois, et tout le monde le sait, et on l'enseigne dans les livres, dans les durus, dans les enseignements, mais dans la réalité de qu'est-ce qui se passe parfois dans les pays musulmans, il y a beaucoup d'ignorance encore, il y a beaucoup encore de la jahiliya sur ce plan, juste sur ce plan de la couleur et de la discrimination raciale, ou de la discrimination basée sur la couleur des individus, ça c'est quelque chose que l'islam est venu combattre depuis l'origine. Et malgré tout, on remarque qu'aujourd'hui, ça existe encore. À cause de l'ignorance des musulmans, dans certains pays, en particulier, il y en a plus que dans d'autres. Et, yani, même des fois dans les pays, le plus étonnant, c'est quoi? On le retrouve même dans des pays où la plupart des gens sont des noirs. Mais certains pensent qu'ils sont meilleurs que d'autres. Par exemple, je connaissais des frères du Soudan, hein, et puis, ils parlaient des autres Africains, ils disaient, mais c'est des esclaves, c'est des noirs. Nous, on n'est pas des noirs, on est des arabes. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors je lui dis, mais écoute, toi t'es noir, toi aussi, Afri. Il m'a dit, mais non, je suis pas noir, moi. J'ai dit, moi, au Canada, quand je vais au Canada, on m'appelle noir. Il dit, mais non, toi t'es pas noir. Parce que ces gens-là, ils font la distinction entre les tons de couleur de peau. Hein? Si t'es brun pâle, t'es pas noir. Si t'es brun foncé, t'es noir. Donc, et puis ils pensent que d'être noir, c'est moins que, allez, si t'es noir, t'es moins important, t'as moins de valeur. Si t'es pâle, t'as plus de valeur. Hein? Et même certains, allez, parmi les gens qui viennent de l'Afrique ou même des îles comme les Antilles, comme Haïti et tout, et même aux États-Unis, ils ont cette notion-là, hein, quand quelqu'un a les cheveux lisses et fins, ils disent, t'as des bons cheveux. Et quand t'as les cheveux crépus, ils disent t'as pas des mauvais cheveux. Quand t'as les cheveux crépus, t'as les mauvais cheveux. Même en anglais, ils disent ça. Hein? You have good hair. Hein? You have bad hair. Donc, clair, ou bien bon cheveux. C'est le même bagaille. C'est toujours pareil. Donc, pourquoi ça vient de quoi ça? Des fois, ça vient d'un complexe. Hein? Mais de toute façon, pourquoi on parle de ça? C'est pour faire comprendre que le racisme, parmi les musulmans, il existe, malheureusement, et il faut l'admettre. Et quand on dit ça, c'est dans le but d'essayer de résoudre le problème et d'en parler pour être capable de régler ça. Parce que il y a des frères qui m'ont raconté des histoires, Allah al-Musta'an, et quand on entend ça, c'est vraiment, ça fait mal. Quand certains frères, ils vont dans certains pays musulmans, hein, et dans ce pays-là, ils prennent l'avion, et dans l'avion, il y a des koufars, hein, et il y a des musulmans noirs africains, par exemple, et ben, ils veulent mettre les musulmans noirs africains dans une classe à part, hein, puis ils mettent les koufars occidentaux d'une autre catégorie à part, puis c'est comme si pour eux, ils donnent aucun respect, à des musulmans qui sont noirs. Donc, qu'est-ce qui est arrivé une fois à un d'entre eux? Il y en a un qui m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, moi j'étais dans l'aéroport et là tout le monde était mélangé dans les lignes. Et là, quelqu'un qui était dans l'aéroport de ce pays-là, qui est un pays musulman, hein, il a dit, ok, tous ceux qui ont des passeports africains, venez ici. Ils les ont mis dans une ligne à côté. Et là, ils ont mis les autres, hein, les passeports occidentaux à côté. Lui, ce frère, il a un passeport canadien. Alors, il est resté dans la ligne avec les Canadiens. Alors, quand il est arrivé devant la personne de l'aéroport qui travaille là-bas pour les douanes et tout, il a dit à l'Africain, hey, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? T'as pas compris? J'ai dit les Africains, tous là-bas. Il a dit, montre-moi ton passeport. Là, il sort son passeport, il voit que c'est un passeport canadien. Il dit, ah, tu veux te moquer de moi, hein? Il dit, ok, d'accord. Il l'a fait amener dans une pièce. Ils lui ont posé plein de questions. Ils lui ont fait, il y a eu beaucoup de problèmes. Après, ils lui ont dit, ok, bon, l'individu a dit, bon, c'est fini. Je ne vais plus répondre à aucune question. Amenez-moi mon ambassadeur ou mon consul ou quelque chose. Je ne vais pas répondre à aucune autre question encore. Hein? Donc, c'est pour dire, subhanallah, des exemples de discrimination comme ça. Et il y en a d'autres frères, ils m'ont raconté d'autres histoires, quand ils vont par exemple, il y en a des frères qui viennent de pays africains, quand ils vont venir par exemple ici à Montréal, ils arrêtent dans un pays musulman, arabe, pour faire escale. Et s'il y a un retard, les passagers qui sont pas africains, eux, ils peuvent sortir de l'aéroport, aller visiter la ville, des choses comme ça. Mais les Africains, non, on ne les laisse pas. Donc, c'est pour dire, ça c'est juste des certains exemples. Sinon, il y a d'autres formes d'exemples de racisme et de toutes sortes de choses comme ça. Et des fois, en fait, c'est parce qu'on ramène des problèmes qui viennent de certaines divergences qui existent. Du fait que certains musulmans, par exemple, suivent des bid'as, ou sont dans des groupes de sectes, ou des turcs, soufis, ou des choses comme ça. Donc, on leur donne une réputation, en général, sans distinguer entre les musulmans qui viennent d'Afrique, par exemple. Il y en a beaucoup parmi eux qui sont parmi les musulmans d'Ahl Sunnah, et qui sont salafis, et qui suivent le Coran, et qui suivent la Sunnah, et qui n'ont rien à voir avec les turcs soufis, et qui n'ont rien à voir avec les bid'as, avec les formes de shirk qui peuvent être pratiquées dans ces pays-là. Mais les gens, malheureusement, ils ont donné une réputation, puis après ça, on sait qu'est-ce qui se passe. C'est comme certains pays, par exemple des pays nord-africains, ils ne se considèrent pas africains des fois. L'Afrique, c'est en bas. Nous, on n'est pas l'Afrique. Le nord de l'Afrique. Donc ça, c'est des exemples. Et puis, il y a plein de frères africains ou il y a les Noirs qui ont vécu dans les pays arabes qui m'ont fait part de certains témoignages de qu'est-ce qu'ils ont vécu comme discrimination, comme humiliation, comme toutes sortes de choses de ce genre. Et donc, ça c'est la preuve claire qu'il y a de l'ignorance, il y a encore du racisme dans les pays musulmans. Mais alhamdoulilah, on a la solution à ça, on a le remède à ça, on a la réponse à tous ces problèmes-là dans le Coran et dans la Sunna. Si on revient aux enseignements de l'islam, on peut se débarrasser de ça très facilement. Hein? Tandis que les koufars, eux, bien, c'est quelque chose qui fait partie de leur culture et c'est quelque chose qui est rentré dans leur histoire. Tandis que nous, les musulmans, à l'origine de l'islam, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu couper ça directement, toutes ces formes de discrimination. Là, juste avec l'exemple d'Abu Zar tout à l'heure, on a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté qu'il y ait ce genre de discrimination-là dans la Ummah. Naam. Naam. Et il y a même une version de ce hadith-là dans lequel il dit que Abu Zar, il se sentit tellement mal d'avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réprimander sur ça, qu'il a mis son visage par terre et qu'il a demandé à Bilal de venir mettre son pied sur son visage, hein, parce qu'il se sentait tellement mal d'avoir dit une parole pareille. Donc ça c'est à ce sujet-là. Après le cheikh il dit wa qawluhu sunnatul jahiliya yandariju fiha كل جاهلية مطلقة أو مقيدة مطلقة يعني عامة في قبيلة أو في بلد أو مقيدة بشخص كتابية أو وثنية أو غيرهما هذا تفسير للجاهلية أنها كل ما عليه الكفار قبل البعثة سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من الوثنيين. Donc le cheikh il dit, et donc ici, le cheikh Ibn Taymiyyah par la suite, il dit donc que la sunna de la jahiliya, elle rentre dans tout ce qui a rapport avec la jahiliya de manière absolue ou de manière, spécifique par rapport à une tribu ou un pays ou un individu. Et donc il dit que aussi ça rentre dans tout ce qui a rapport avec les juifs et les pratiques des juifs et des chrétiens et des mouchriquins ou d'autres. Ça c'est l'explication de la jahiliya en voulant dire que la jahiliya c'est tout ce que les koufars pratiquaient avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peu importe qu'ils soient des juifs ou des chrétiens ou des majus ou des idolâtres. Donc ça vient clarifier à ce sujet là. Et donc il y a tout ce que les koufars pratiquent comme croyance, comme religion, comme tradition ou autre, ça fait partie de la jahiliya. Même si c'est des choses qu'ils pratiquent aujourd'hui encore, même s'ils prétendent, eux, être modernes et évoluer et qu'ils sont en avance dans le développement, sont des gens de l'ignorance. Ils pratiquent des pratiques de la jahiliya et des croyances, leurs croyances sont des croyances de la jahiliya. Il mentionne le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne ensuite un autre hadith. Il dit wa fi sahih an Hudhayfa radiyallahu anhu qala ya ma'shar al-qura istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadhtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Et le hadith donc de Hudhayfa qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Abi Nadra, selon un homme parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abi Nadra. Naam. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oh vous qui faites partie des gens qui récitez le Coran, ya ma'shar al-qurra, mettez-vous droit ou soyez droit. » Parce que si vous êtes en avant des autres, vous allez les dépasser d'une grande avance. Et si vous commencez à tourner à droite ou à gauche, alors vous allez vous égarer d'un égarement lointain. Et le cheikh, il explique ce hadith. Cheikh al-Fawzan explique cet athar, cette parole de Hudhayfa ibn al-Yaman. Il dit, « هذا الأثر عن حذيفة ibn al-Yaman, radiallahu anhu, أنه كان يدخل المسجد ويقف على حلق التدريس أي على الذين يتعلمون القرآن في المسجد فيقول لهم إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا أي إن استقمتم على القرآن الذي تدرسونه بالعمل به لأن المقصود بأن المقصود هو التمسك بالقرآن والعمل به أما الذي يقرأ القرآن ولكنه لا يتخلق به فهذا قد انحرف عن القرآن فالقرآن هو الصراط المستقيم الذي من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك وضل وهذا الأثر فيه التذكير من حذيفة رضي الله عنه للقراء أنهم لا يقتصرون في قراءة القرآن على جودة التلاوة وحسن الصوت ودون نظر إلى تدبره والعمل به والتخلق بأخلاقه فمن فعل ذلك لا يعتبر من أهل القرآن أما الذي يتخلق بالقرآن ويتأدب بآدابه فهو من أهل القرآن ولو كان عاميا لا يقرأ القرآن Donc, le cheikh explique, il dit que cet athar, cette parole de Hudhayfa, radiallahu anhu, elle nous explique que lorsqu'il rentrait dans la mosquée et qu'il trouvait les cercles d'études, les différentes personnes qui étaient assises pour étudier dans la mosquée, en train d'apprendre le Coran, il leur disait ces paroles. Il leur disait, si vous vous mettez droit, alors vous allez devancer les autres d'une avance très grande. Et donc, il dit, c'est-à-dire que si vous vous mettez droit et que vous étudiez correctement le Coran et que vous l'enseignez et que en plus vous l'appliquez dans vos actions, parce que c'est ça le but et l'objectif, c'est de s'accrocher au Coran et de l'appliquer. Donc, si vous faites ça, vous êtes correct. Mais celui qui fait juste lire le Coran et puis il n'adopte pas le comportement du Coran, alors celui-là, il s'est dévié du Coran. Donc le Coran, c'est le droit chemin, et celui qui s'y accroche, il est sauvé, et celui qui s'en détourne, alors il a péri et il s'est égaré. Ensuite, le cheikh il dit, et également dans cette parole de Hudhayfa, il y a un rappel pour les gens qui récitent le Coran, qui ont étudié le Coran, ils ne doivent pas juste se concentrer sur la récitation avec la belle voix et avec les règles de tajwid, sans regarder la compréhension et la méditation et l'application et d'adopter le comportement également de ce Coran. Donc, celui qui apprend, mais qui fait juste se concentrer sur la belle récitation, mais qui n'adopte pas le comportement, qui n'adopte pas l'application, ainsi de suite, il ne fait pas partie et il n'est pas considéré des gens du Coran, parmi les gens du Coran, Ahlul Coran. Mais celui qui adopte le comportement du Coran et qui a les manières qui sont enseignées par le Coran, il les adopte en lui-même, celui-là, il fait partie des gens du Coran, même si il ne sait pas lire le Coran. Et même si il est une personne parmi le commun des musulmans qui n'a pas étudié le Coran. Du moment qu'il l'adopte comme comportement. Après le cheikh, il dit, وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّحِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدِ فَيَقِفُ عَلَى الْحِلَقِ فَيَقُولُ فَذَكَرَهُ وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده أشر منه ولا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينسلم. Donc le cheikh il rapporte, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il rapporte une dernière athar, et c'est une athar selon Mohammed ibn Waddah. Et dans cette affaire, il dit que lorsqu'il rentrait dans la mosquée, il voyait les cercles d'études qui étaient dispersés dans la mosquée, et il disait des paroles, et il a mentionné cette parole. Il mentionne la chaîne de transmission. Ibn Uyayna nous a informé, selon Mujalid, selon Al-Sha'bi, selon Masruq, il a dit selon que Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, a dit, il n'y a pas une année, excepté que l'année qui va venir après va être plus mauvaise. Il n'y a pas une année, excepté que l'année qui la suit va être plus mauvaise. Et il dit, je ne dis pas une année où il y aura, disons, plus de pluie que l'année suivante, ou une année où les récoltes, où la terre va être plus fertile que l'année suivante, ou qu'un dirigeant meilleur qu'un autre, hein, ou une année, un dirigeant sera meilleur qu'une autre. Mais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que vos savants et les meilleurs d'entre vous vont partir. C'est-à-dire, chaque fois, chaque année, des savants de l'islam partent, ils meurent. Hein, et les meilleurs d'entre vous partent. Et, donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a d'autres personnes qui vont venir et ils vont juger les choses selon leurs opinions et donc avec ça l'islam est détruit. Hein? L'islam se détruit à cause de ça. C'est comme on va voir dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Donc Cheikh dit Muhammad ibn Waddah, il dit هو من العلماء الذين صنفوا في بيان البدع فله كتاب مطبوع في البدع اسمه البدع والنهي عنها. Donc le cheikh il dit que Muhammad ibn Waddah, c'est un parmi les ulama qui ont écrit pour clarifier qu'est-ce que sont les innovations et les bid'ah. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Et il a un livre qu'il a écrit qui s'intitule Al-Bid'ah wal-Nahy anha, c'est-à-dire les innovations et l'interdiction de les faire, et c'est un livre qui est publié maintenant. On peut l'acheter dans les librairies. Et il dit que cette parole, c'est une parole donc de Abdullah ibn Mas'ud, que Muhammad ibn Waddah a rapporté. Il dit, هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من رواية محمد بن وضاح أنه أخبر أن الناس لا يزالون في نقص كل عام يكون أنقص من الذي قبله. هذا كما جاء في حديث أنس لما جاءوا يشكون إليه الحجاج وما يلقون من الظلم قال اصبروا فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم فكلما تأخر الوقت زاد الشر وهذا يقتضي أن يكون الإنسان على حذر من الفتن والشرور. الشيخ الزي dans cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui est rapportée selon Muhammad ibn Waddah, il nous informe que les gens vont toujours être dans la perte, dans la diminution et dans la dégradation, hein, d'année après année. Chaque année qui vient, chaque année qui suit est, disons, se dégrade par rapport à l'année qui était avant elle. Comme c'est mentionné dans un hadith, hein, un hadith qui est rapporté selon Anas, lorsque des gens sont venus le voir pour se plaindre de Al-Hajjaj. Hein, Al-Hajjaj ibn Yusuf, dont on a parlé tout à l'heure quand on lisait les fatwas. Donc, Anas ibn Malik fait partie des Sahaba qui ont vécu parmi les plus longtemps, okay, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y en a même qui rapportent qu'il a vécu plus que 100 ans, hein, radiyallahu anhu. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait invoqué pour lui la baraka dans sa vie, dans sa personne et dans ses biens. Hein, non seulement il a vécu longtemps, mais il avait beaucoup de richesses, hein, il avait des jardins, des palmiers qui produisaient des dattes deux fois par année, hein, et en plus de ça, il a eu de nombreux enfants. Je ne me souviens plus le nombre, mais c'est un grand, grand nombre d'enfants qu'il a eu. Anas ibn Malik, Abu Hamza. Non, c'est pas le père de l'imam Malik. Non, Anas ibn Malik, Malik, c'est pas Malik ibn Anas. Oui, c'est ça. C'est entre Anas ibn Malik et Malik ibn Anas, il y a une génération ou deux. Non. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les gens, donc, ils venaient voir Anas ibn Malik et ils se plaignaient de Al-Hajjaj à cause de l'injustice qu'il trouvait de sa part. Alors, Anas a dit, soyez endurants et patients parce que il n'y a pas une année qui va venir excepté que celle qui va la suivre va être plus mauvaise. Hein, quelle? L'année qui va la suivre va être plus mauvaise encore. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté. Hein, que chaque année qui avance, on dirait que les choses deviennent pires. Hein. Et je me souviens, il y a des gens qui disent, je me souviens à l'époque, où il y avait Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen qui étaient vivants, et après que Cheikh Ibn Baz est mort, les gens ont vu la différence. Après ça, Cheikh Ibn Uthaymeen est mort, ils ont vu la différence. Après Cheikh Al-Albani est mort, ils ont vu la différence. Après Cheikh Muqbil est mort, après ils ont vu la différence. Donc à chaque fois qu'il y a un grand alim parmi les grands ulama qui meurt, on voit qu'il y a un vide par la suite et que les choses sont plus pareilles. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui ont constaté ça justement. Donc le chef il dit soyez endurants parce qu'il n'y a pas une année qui va venir excepté que celle qui la suit elle va être pire. Et il dit j'ai entendu ça de votre prophète. Sami'tuhu min nabiyikum. Je l'ai entendu de votre prophète, comme c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, c'est pas sa parole à lui, c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il dit que plus le temps avance, plus le mal augmente. Et ça implique que l'homme, il doit faire attention à toutes les tribulations, les épreuves et les difficultés, et toutes sortes de mauvaises choses qui se propagent. Ensuite, le cheikh, il dit, ثم أخبر في آخر الأثر أنه إذا مات العلماء والأخيار يأتي من بعدهم أناس جهال يحكمون عقولهم ومقاييسهم لأنه ليس عندهم علم وهذا يضلل الأمة ويسبب هلاكها لأن هؤلاء الجهال لا يحسنون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ هما الأساس في التشريع كما جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فوجود العلماء علامة خير وفقدانهم علامة شر ووجود أناس في هذا الزمان يزاهدون بالعلماء ويحقرونهم ويتكلمون في أعراضهم هذا من علامات الساعة ومن علامات النقص من الإسلام. Donc le cheikh il explique il dit et à la fin de cet athar Abdullah ibn Mas'ud il nous dit que ça, c'est lorsque les savants meurent, que le temps devient de plus en plus mauvais à cause de la mort des ulama et la mort des meilleurs parmi nous. Hein? Moi, je peux dire, même ici à Montréal, quand je me suis converti à l'islam, je me souviens, il y avait plein de bons frères ici, il y en a encore, mais à l'époque, c'était plus. Hein? Il y avait moins de musulmans, mais il y avait quand même, on sentait qu'il y avait une qualité de musulmans qui était plus forte, plus solide. Les nouvelles émigrations maintenant qui rentrent au Canada maintenant de musulmans, on ne retrouve pas cette qualité-là qu'on retrouvait auparavant. Et tous ceux qui étaient venus au début, la majorité des frères qui étaient vraiment bien dans la communauté à Montréal, beaucoup d'entre eux ont quitté le Canada, sont retournés dans les pays musulmans. Hein? Donc c'est pour dire, c'est que quand on les voit partir, ça veut dire qu'ils vont s'en aller. Mais ceux qui sont restés derrière, parmi ceux qui sont restés ici, eh bien, on n'a pas vu de leur part qu'ils ont réussi à s'améliorer ou à devenir plus forts, au contraire. Leurs enfants, on les a vus évoluer, on a vu qu'est-ce qu'ils sont devenus, on a vu eux-mêmes qu'est-ce qu'ils sont devenus, et c'est très rare que quelqu'un reste ferme sur sa religion dans cette société-là. D'après ce que j'ai vu, disons, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Hein? Donc, ça c'est juste par rapport à ça. Ensuite, hein? Donc le cheikh il dit que lorsque les savants meurent, après eux viennent des gens ignorants et qui jugent les choses selon leur raison et selon leur propre analogie, leur propre raisonnement. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de science. Ils n'ont pas de science du Coran et ils n'ont pas de science de la Sunna. Et je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je pense à ça, je pense à certains individus qui sont populaires dans la communauté, surtout chez les francophones et même parfois chez les anglophones, et qui parlent de l'islam, mais Allah Musta'an, ils ne se réfèrent jamais aux savants. Ils ne se réfèrent jamais au Coran, ils ne se réfèrent jamais à la Sunna, ils ne se réfèrent jamais aux ulama des salaf. Jamais. Ils se réfèrent à Baudelaire ou à Voltaire ou à Victor Hugo, mais ils ne vont pas mentionner قال الله قال رسول الله قال الصحابة hein? Et en plus non seulement ça, il dit on ne juge pas qu'une conférence est islamique par la quantité de versets et de hadiths qu'on mentionne, hein? C'est ce qu'il dit. Il dit une conférence peut être 100% islamique même si tu mentionnes aucun verset et aucun hadith dedans. Donc ça veut dire quoi? Il dit on parle avec l'intelligence des gens, hein? On rejoint l'intelligence. Ça, c'est les gens dont le prophète Sansan nous a avertis. C'est pas besoin de mentionner le nom. Je pense que la plupart d'entre vous savent de qui je parle. Et de toute façon, avec les exemples, vous êtes capables de juger. Les ulama, ce sont qui? Ce sont les ulama du Coran et de la Sunna et qui connaissent les paroles des Sahaba et qui comprennent cette religion-là, qui l'ont appris avec les ulama. Hein? Et donc, c'est vers eux qu'on doit retourner. C'est vers eux qu'on doit retourner et c'est à eux qu'on doit se référer lorsqu'on a des problèmes ou des questions. Donc, le cheikh dit ces gens-là, ils viennent après. Quand les ulama meurent, eux, ils apparaissent et ils jugent selon leurs raisons et leurs analogies parce qu'ils n'ont pas de science. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils égarent la umma. Hein? Et ils égarent la umma et ça amène la umma à sa perte à cause de ça. Le cheikh il dit pourquoi? Parce que ce sont des ignorants et ils ne savent pas comment ramener les questions au Coran et à la Sunna, qui sont les bases de cette législation et de cette religion. Comme c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala enlève la science. Mais il ne l'enlève pas en l'arrachant des serviteurs directement. Mais il enlève la science par la mort des savants. Donc c'est pas que quelqu'un est un savant, Allah lui enlève la science dans son cœur. Non. Il enlève la science qui est présente parmi les hommes par la mort des ulamas de l'islam. Hein? Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Alors les gens prennent pour leur chef des ignorants et ils leur demandent des questions et eux ils répondent sans connaissance, alors ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres avec eux. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on remarque. Et donc le cheikh dit la présence des ulama, ça on peut le constater, dans toute société, lorsqu'il y a des ulama, c'est un signe de bien. Et lorsqu'il n'y a plus de ulama, c'est un signe de mal. Et ça, c'est la réalité de ce que nous, on vit ici dans ce pays, puisqu'on n'a pas de ulama. Il n'y a pas de ulama. Et les ulama, ce n'est pas quelqu'un qui a un doctorat en sciences islamiques. Ça, ça ne fait pas de lui un savant. Hein? Ulama, c'est plus que ça. Même Cheikh Rodeyan, Abdullah Rodeyan, un des grands savants de l'Arabie Saoudite, il a dit que quand quelqu'un il a son diplôme doctorat, ça c'est la première marche parmi les marches de la science. Premier étage, première pas, première, hein, the first step, hein, la première étage, première marche, dans le premier palier dans les escaliers de la science. Aujourd'hui, c'est pas, les gens pensent pas hein, comme ça. Et là, maintenant, ils ont des doctorats en chimie, et puis ils pensent qu'ils connaissent l'islam. Et malheureusement, les connaissances qui sont obligatoires à chaque musulman, ils ne les maîtrisent pas. Hein? Donc, c'est pour dire que, quand il n'y a pas de savants, les gens sont perdus, les gens sont aveugles, les gens sont égarés. Parce que les savants sont nos guides. C'est eux qui nous guident vers le droit chemin, qui nous expliquent le chemin d'Allah, qui nous montrent la vérité. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui peut dire qu'il va prendre sa science directement dans le Coran et dans la Sunna et qu'il va tout comprendre tout seul. Impossible. Hein? Si on ne se réfère pas à un ulama, on ne peut pas comprendre cette religion-là. Et Allah il nous ordonne de retourner au ulama. Et même pour étudier le Coran et pour étudier la Sunna, il faut se référer à ceux qui connaissent le Coran et à ceux qui connaissent la Sunna, et ce sont les ulama. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans les sociétés, maintenant comme ici ou en Europe, c'est qu'il y a certains prêcheurs qui deviennent comme qui sont connus, qui sont célèbres, hein, et qui viennent donner des conférences ici, à Montréal ou à Toronto ou dans certaines villes américaines, qui font partie de certaines tendances comme les Ikhwan ou d'autres, et ils invitent ces gens-là à assister à ces conférences-là, et eux, ils s'imaginent que ça, c'est des savants. Alors que ce n'est pas ça, des savants de l'islam. Les savants de l'islam sont dans les pays musulmans, sont dans les terres saintes, sont dans les lieux où il y a l'islam. Ils ne vont pas vivre parmi les koufars, chez les koufars. Hein. Déjà, ils savent que ça, c'est pas permis, donc ils ne vont pas venir vivre ici. Ils ne vont pas quitter les pays musulmans pour venir vivre dans les pays de koufre. Pour contredire le Coran, à moins qu'ils viennent pour faire la da'wah et pour enseigner, ça c'est dans ce cas-là, ce serait permis, mais sinon, de venir s'établir ici, de vivre ici comme tout le monde, et de dire qu'ils viennent comme ça, non, ça c'est pas permis. Et non seulement ça, mais c'est que c'est des gens, souvent on voit qu'ils ne suivent pas la compréhension correcte de l'islam, ils ne suivent pas l'aqidah et le manhaj de Ahl Sunnah et Wal Jama'ah. Ils suivent des compréhensions qui sont inspirées des croyances des sectes qui sont émergées après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la mort des sahaba et des tabi'in et des tabi'in tabi'in. Ils suivent des sectes comme les soufiyas, ils suivent des sectes comme les mu'tazila, ils suivent des sectes comme les asha'ira et d'autres tendances également. Donc après ça, ils prétendent être des savants. Ça, c'est contradictoire. Déjà, puisqu'ils sont sur la bid'a. Comment pourraient-ils être des savants? Donc, c'est ça le malheur. Et il y a des frères aussi qui ont, comme si on, il y a des frères qui ont clarifié justement des erreurs de la part de certains qui faisaient la da'wah, hein, qui étaient considérés comme étant des salafis à l'origine, mais qui ont dévié dans certaines choses. Du fait que quand ils enseignaient l'islam, ils enseignaient toujours comme si c'était leur parole à eux, dans le sens qu'ils ne mentionnent jamais les noms des savants, ils ne mentionnent jamais les livres, ils ne mentionnent jamais les références d'où ils prennent leur science. Donc quand les gens les écoutent, ils s'imaginent que ce qu'ils enseignent, c'est leur propre enseignement. Comme si eux-mêmes étaient les savants, les références de l'islam, alors qu'ils ne sont pas des savants. Et ça, ça a induit beaucoup de gens en erreur, et ça a fait en sorte par la suite que les gens les ont élevés plus haut que leur réel niveau. Et donc, ça a fait en sorte que par la suite, hein, beaucoup de gens commencent à s'attacher à eux, puis s'accrocher à eux, comme si c'était eux les références de l'islam, comme si c'était eux les modèles de l'islam, comme si c'était eux les savants. Alors que nous, on est juste des j'ai des petits étudiants, on essaie de comprendre et d'apprendre et d'expliquer qu'est-ce qu'on a appris. Si on met de côté les livres des savants, les écrits des savants, les paroles des savants, puis on vient, on parle de nous-mêmes comme ça, les gens vont penser quoi? Vous pensez que ça y est, on est des savants, hein? Et après ils viennent vers nous, ils nous demandent des questions, ils viennent se référer à nous comme si on avait de la science, alors que ce n'est pas le cas. Donc il faut expliquer aux musulmans, les savants, qui ils sont. Et quand on lit un livre, on lit les livres des savants, on dit, voici tel livre, ça c'est le livre de tel chef, tel savant, et c'est lui qui a expliqué ça, et donc c'est une référence. En même temps, ça donne à quelqu'un la confiance dans la science qu'il apprend, parce qu'il dit, cette science-là, ça vient pas de n'importe qui, X, Y, qui dit quelque chose, c'est une parole qui vient de quelqu'un qui est qualifié pour parler de religion, quelqu'un qui a une base et qui a étudié avec des savants pendant des années, des années, des années, hein. Quand tu dis qu'un cheikh, il a 73 ou 74 ans, hein, comme cheikh Al-Fawzan par exemple, hein, et que ce cheikh, il a étudié pendant des années avec des dizaines de grands ulama, des imams de l'islam, hein. Et donc c'est pas quelque chose là, il a commencé à prendre le livre du jour au lendemain, il a commencé à dire ça y est, j'ai compris l'islam. Non, ça c'est quelqu'un qui il a absorbé cette religion là petit à petit avec l'éducation et l'apprentissage et ainsi de suite. Donc pour arriver à ce niveau là donc quand on lit ses paroles, lorsqu'il explique le Coran, lorsqu'il explique la Sunna, lorsqu'il répond aux questions des gens, on sait que c'est quelqu'un qui a de la science. Et donc quand tu dis, quelqu'un te pose une question dans la rue, tu lui réponds, tu lui dis, j'écoutais un dars dans lequel Cheikh Al-Fawzan a répondu à telle question, il a dit telle parole. C'est pas comme si tu lui dis, voici la réponse, puis tu dis la réponse de toi-même. Comme si c'était toi qui répondais à cette question. Mais tu réfères la personne à une autorité dans la religion, à quelqu'un qui a une base, à quelqu'un qui solide, fermement ancré dans la science, et donc là, dès que tu parles avec une référence, tu ne parles pas de ta propre tête, hein, comme les jeunes parfois qui commencent à pratiquer l'islam, puis à apprendre, puis on leur pose des questions sur les sujets comme on parlait tout à l'heure, les gouverneurs, les dirigeants, les ententes de paix, les trucs de ce genre, et tu les vois en train de discuter entre eux sur ces sujets-là, ils débattent sur ça, comme s'ils étaient des gens qualifiés, et comme s'ils avaient de la connaissance sur ces choses-là, tu les vois débattre, et ils laissent de côté les paroles des ulama, ils laissent de côté les explications des imams de l'islam de notre époque. Donc ça, c'est sûr qu'ils vont s'égarer, s'ils agissent comme ça. Au lieu de ça, tu dis non, moi je ne dis rien, je ne parle pas là-dedans, et toi non plus tu ne parles pas là-dedans, on parle, on ne dit rien, on va retourner aux paroles des ulama, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Et on va s'en tenir à ça. Et si on est confus, on est mélangé dans quelque chose, on va retourner directement au savant en lui téléphonant, en lui posant la question directement, pour qu'il tranche. Parce que là, vous voyez maintenant, les gens, ils perdent leur temps à débattre, à argumenter, à discuter, soit en personne, ou bien soit sur Internet, sur des questions qui ont été clarifiées par les ulama. Mais eux, ils refusent de retourner aux ulama. Il y en a même, comme le cheikh, il dit maintenant, c'est rendu qu'il y a des gens qui, maintenant, éloignent les gens des ulama. Et ils méprisent les ulama. Et ils parlent contre l'honneur des ulama. Hein? Et ça, c'est parmi les signes de l'heure du jugement dernier. Et c'est parmi les signes, hein, du fait que l'islam commence à se, comme on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, yani, comme on voit que les choses commencent à, hein, ouais, à se dégrader, exactement. C'est ça ce que je voulais dire. Barakallahu fikum. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on va continuer donc ce cours dans la semaine prochaine. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.